Jean de La Fontaine, livre 6. Le lion et le chasseur. Un fanfaron amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race, qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion, vit un berger. « Enseigne-moi de grâce de mon voleur, lui dit-il, la maison, que de ce pas je me fasse raison. » Le berger dit « C'est vers cette montagne. » En lui payant de tribut un mouton, par chaque mois j'erre dans la campagne, comme il me plaît, et je suis en repos. » Dans le moment qu'il tenait ses propos, le lion sort et vient d'un pas agile, le fanfaron aussitôt d'esquiver. « Ô Jupiter, montre-moi quelque asile » s'écria-t-il, « qui puisse me sauver ?» La vraie preuve du courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. « Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage, s'enfuit aussitôt qu'il le voit. »